Benoît Mortionza sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal, l'édition de la mi-journée de ce 22 septembre 2018. Donc voici d'abord les principaux titres. Un homme du nom de Swal Dengenda Koumana de la colline Moubaragaza de la commune Moutoumba en province Karoussi est sous les verrous à Depruis hier après avoir roué des coups de gourdin à sa fille de 12 ans jusqu'à la rendue son âme. Tout candidat, brigadier, sous-officier, officier de la police qui tentera de mentir sur l'âge, l'ethnie et le niveau d'études sera sévèrement puni. Cela a été dit hier par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique lorsqu'il a annoncé le recrutement des nouveaux candidats policiers. Et Onelope Burundi plaide pour la reprise de la coopération entre le Burundi et le bureau du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ce qui permettra la reprise des activités de ce bureau sur le territoire burundais. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une fille de 12 ans a été tuée ce vendredi soir par son père, Swal Dengenda Koumana, sur la colline Moubaragaza de la commune Moutoumba, en province Karoussi. Le commissaire communal de police dit que cet homme a roué des gourdes à sa fille de 12 ans jusqu'à ce qu'elle rende son âme, prétextant qu'il était en train de le punir. Ce responsable de police signale que cet homme avait cette habitude de battre ses enfants et qu'il venait aussi de battre un autre qui a été sauvé par les voisins. Le commissaire indique que son Dengenda Koumana Swald est déjà transféré au parquet de la province Karoussi pour un procès de flagrance. Le corps sans vie de cette fille sera inhumé ce samedi, comme le disent les membres de la famille. Les responsables des associations œuvrant à Karoussi pour la défense des droits de l'homme demande que cet homme soit jugé rapidement et dans le strict respect de la loi. Plus de 3000 jugements ont été exécutés dans 5 provinces comme prévu, affirmation d'Adolphe Havzalimana, inspecteur et porte-parole du ministère de la Justice, après que ce ministère ait initié une campagne d'exécution des jugements dans les provinces de Bubanza, Chibitoke, Karoussi, Ruigi et Tchankouzo. Il explique que ces provinces ont été choisies parce qu'elles n'avaient pas été touchées par les récentes campagnes. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Alain Désiré Boukeneza. Il y a eu une campagne d'exécution, de constat, de vérification d'itinérance dans 5 provinces du pays, notamment la province Bubanza, Chibitoke, Karoussi, Ruigi et la province de Tchankouzo. La Cour d'appel de Bujumbura a effectué cette itinérance dans 2 provinces, donc Bubanza et Chibitoke, tandis que la Cour d'appel de Gitega a effectué l'itinérance dans les provinces de Karoussi, Ruigi et Tchankouzo. La campagne devrait durer 5 mois, mais comme les magistrats ont manifesté un grand courage dans cette activité, toutes les juridictions ont terminé soit l'exécution, le constat, les tenances ou les vérifications des dossiers sont ressorts. Quel a été le résultat par rapport à l'exécution des jugements qui étaient en attente avant cette campagne? Avant la campagne, on avait un effectif de 6361 dossiers en attente de descente. Pour le moment, avant la fin de 5 mois, on a déjà clôturé 6361 dossiers qui étaient sur le programme. On n'a pas encore le rapport final, mais sans doute à côté des 6360 dossiers qui étaient sur le programme, il y a d'autres dossiers qui se sont ajoutés compte tenu de la période. Et pourquoi le choix de 5 provinces et non pas toutes les provinces du pays? La raison est simple, parce que durant l'année 2017, on a effectué une campagne dans d'autres provinces du pays, c'est-à-dire que les 5 provinces n'avaient pas encore eu la chance de voir cette campagne. Et le ministère de la Sécurité publique annonce un nouveau recrutement des officiers, sous-officiers et brigadiers de la police. Et le porte-parole de ce ministère, Pierre Ngourkiye, a déclaré ce vendredi que tout candidat qui tenterait de mentir sur l'âge, l'ethnie et le niveau d'études sera puni conformément à la loi. Cela a été dit ce vendredi dans un point de presse. On écoute le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes communique aux personnes désirant intégrer l'école des brigadiers de police et BEPO qu'il procédera à l'inscription des candidats du 3 au 14 octobre 2018. Les inscriptions se feront au commissariat provincial de police de la province natale tous les jours ouvrables le matin de 8h à 12h et les après-midi de 14h à 17h. Pour être admis à l'inscription, le candidat doit être garçon ou fille de nationalité burundaise, volontaire, être célibataire sans enfant et le rester durant toute la période de la formation, du stage probatoire et les trois premières années après ce stage probatoire. Il doit également être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, être de bonne conduite, vie, mœurs et de civisme, être détenteur d'un certificat de fin de l'école fondamentale ou d'un certificat du tronc commun pour l'ancien système, n'avoir pas appartenu au corps de défense et de sécurité ou révoqué de la fonction publique et être de bonne santé et physiquement apte. Les tests intellectuels et physiques seront organisés en date du 9 au 10 novembre 2018. Les candidats inscrits et remplissant les conditions se présenteront au commissariat provincial de police où ils se sont fait inscrire munis de la carte nationale d'identité, d'un stylo bleu et d'une tenue de sport. Le candidat qui aura fait de fausses déclarations sur son ethnie ou utilisé de faux documents sera puni conformément à la loi, même en cas de découverte de cette tricherie pendant ou après sa formation. Ses complices, comme les autorités administratives, scolaires ou autres, qui auront facilité cette tricherie, seront également poursuivis. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Parlons aux droits de l'homme à présent. L'Observatoire national pour les élections et les organisations pour le progrès en Europe en sigle plaide pour la reprise de la coopération du Burundi et le bureau du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Djangwa Gilbert Beko, représentant légal de l'ONELAP, souhaite qu'il y ait une invitation officielle du haut commissaire des droits de l'homme au Burundi afin de signer un mémorandum d'entente avec le gouvernement burundais. Selon lui, ce mémorandum permettra la reprise des activités du Bureau des Nations Unies des droits de l'homme au Burundi. On l'écoute. Le Bureau ONU droits de l'homme au Burundi, effectivement depuis 2016, ne fonctionne pas bien. Mais les fonctionnaires des Nations Unies qui forment l'équipe du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi existe. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mémorandum d'entente entre le gouvernement du Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Après la signature d'un nouvel accord de siège, c'est-à-dire la signature d'un mémorandum, ce nouvel accord va permettre au Bureau des droits de l'homme au Burundi de renouveler ses activités. Alors, l'Europe Burundi propose la reprise de la coopération entre le gouvernement du Burundi et le Haut Commissariat de l'ONU droits de l'homme. S'il y a une invitation officielle à Madame Bachelet, la haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi, cette visite va permettre à décanter la situation et en plus ça va permettre à ce que les malentendus qui existent vont disparaître sans toutefois passer à côté. Je pense qu'il faut le renouvellement de la coopération et ça va entraîner la dynamique de la promotion des droits de l'homme au Burundi et les acteurs sur place vont aussi travailler en harmonie et en symbiose avec toutes les parties prenantes. Très récemment, vous avez été élu par l'Assemblée nationale comme commissaire à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Serait-elle la même position quand vous êtes à la CNDH? Maintenant, je parle comme le représentant légal et coordinateur général de l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès. En Europe Burundi en sigle, je ne prends aucune position au nom de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre une position sur cette question. C'était Ndjangwa Beko Gilbert au micro de Moïse Misago. Plus de 6000 personnes se sont déjà faites enregistrer à l'état civil des 9 communes de la province Ngozi depuis le début de la campagne d'enregistrement il y a 3 semaines. Le contrôleur provincial de ce service se réjouit de l'affluence des personnes dès les premiers jours de cette campagne et espère que l'enregistrement d'environ 40 000 personnes attendu sera terminé avec fin décembre, date de clôture de cette campagne. Les détails avec Apollinaire Moutsakar. Depuis le début de cette campagne d'enregistrement tardif des naissances, le 27 août dernier, 6321 personnes ont été inscrites dans les registres d'état civil et personnes qui sont en majorité des enfants naturels. Les communes Kiré-Mbaye-Busiga prennent le devant car elles possédaient déjà des registres d'enregistrement et autres matériels dans les stocks, indique Athanase Kibina-Kanwa, contrôleur provincial de l'état civil. Pour mieux réussir ce travail et aussi en vue de faciliter la population qui devrait effectuer de longues distances, chaque zone a été doté d'un centre d'enregistrement et 2 agents complémentaires par commune ont été recrutés afin d'intervenir là où il y a affluence massive d'inscrits. Et cela, selon son contrôle provincial, grâce au financement de l'UNICEF. Il espère que les 40 000 personnes attendues seront déjà inscrites avec la fin de cette campagne, c'est-à-dire fin du mois de décembre cette année. Des sanctions seront prises à celui qui fera la sourde oreille du moment que cet enregistrement est actuellement gratuit, a-t-il mis en garde. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Dongozi, Randonou à Mwaro, environ 480 personnes adultes de la province Mwaro sont en train de suivre des séances d'alphabétisation. Le gouverneur de la province Mwaro, Jean-Marie Nyakaregwa, dit que ce nombre est réduit par rapport à ceux qui en ont besoin. Le ministre de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle demande à toute personne capable de donner la contribution pour que l'analphabétisme diminue. C'était souvent vendredi, lors de la célébration au niveau national et de la journée internationale de l'alphabétisation au chef-lieu de la province Mwaro. Les détails avec Laurent Dikouri. En province Mwaro, 481 personnes adultes sont en train de suivre des séances d'alphabétisation dans 33 centres de formation. 6 parmi ces centres sont des centres privés et 27 appartiennent aux confessions religieuses, catholiques et protestantes. La formation dure 4 mois et plus. Le gouverneur de la province Mwaro, Jean-Marie Nyakaregwa, dit que ces centres d'alphabétisation se trouvent uniquement dans 3 communes, à savoir Gisozi, Kayokwe et Lusaka, sur 6 que compte la province Mwaro. Il signale que le nombre de personnes qui sollicitent de telles formations est réduit par rapport à l'effectif de celles qui en ont besoin. Il précise que cela provient du fait que certaines personnes ne connaissent pas encore l'avantage de savoir lire et écrire. En plus, le manque de motivation pour les alphabétiseurs qui travaillent bénévolement fait que certains y renoncent. Le ministre de l'Éducation, de la Formation technique et professionnelle, Jean-Zir Ndila Richard, indique que personne ne doit être épargné de l'acquisition des connaissances si elle en a besoin, car c'est la source du développement du pays. Elle félicite les agents de santé communautaire qui s'adonnent à de telles activités. Selon son ministre, toute personne capable devrait apporter sa pierre à l'édifice afin de réduire le phénomène d'analphabétisme au lieu de toujours compter sur l'action du gouvernement. Elle demande aux administratifs à la base de donner chaque année les effectifs des analphabètes de leur ressort pour que personne ne soit épargné pour bénéficier d'une pareille formation. Donc, la journée internationale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année depuis 1967. De Mwaro, Laurent Dikouri, Radio Isanganiro. Isanganiro. Rendons-nous à Gitega pour parler agriculture. La culture de manioc, taro et colocase qui avaient disparu pendant longtemps réapparaissent timidement en province Gitega. Toutefois, les agriculteurs indiquent que les boutures suffisantes de ces cultures leur manquent. Ils demandent l'intervention des instituts impliqués dans la multiplication des semences. Les détails avec Gérard Nibigir. Nibigila Denis, chef du service de production végétale et valorisation des produits agricoles à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, fait savoir qu'il y a un certain temps qu'ont apparu des variétés de taro et colocase qui résistent à la maladie qui avait attaqué et fait disparaître ces tubercules depuis les années 1990. Toutefois, il se réjouit du fait que ces cultures réapparaissent timidement mais progressivement à Gitega. Il ajoute aussi que l'Institut supérieur de la recherche agronomique Isabou dispose de nouvelles variétés de ces cultures qui résistent aux maladies. Ces nouvelles variétés n'étant pas encore multipliées et vulgarisées à travers la population, Nibigira Deni demande à l'Isabou de le faire le plus vite possible. Et c'est aussi cela qui est réclamé par les agriculteurs de Gitega. Les cultures de taro et colocase avaient disparu en province de Gitega depuis les années 90. Autre culture disparue vers les années 2006, c'est le manioc suite à la maladie appelée mosaïque du manioc. Néanmoins, Nibigira Deni précise que même cette culture gagne de plus en plus les champs des agriculteurs de Gitega, suite aux boutures résistant à la mosaïque du manioc distribuée à travers la population. Cela étant, certains des agriculteurs contactés mentionnent que les boutures leur manquent pour organiser des champs de manioc de superficie remarquable, d'où donc ils réclament encore une fois l'intervention du ministère en charge de l'agriculture. Nibigira Deni demande aux agriculteurs de se donner mutuellement des boutures de manioc en attendant qu'il y ait une quelconque intervention de ce genre. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Avant de boucler la boucle de ce journal, parlons sport. Restaurer l'unité et la bonne gouvernance au sein de l'Association nationale olympique africaine ACNUA, telles sont les priorités de la candidate burundaise Lydia Sekera, une fois élue présidente de cette association. Les élections de ce poste sont prévues le 29 novembre dans la capitale de Tokyo, au Japon. Selon la présidente du Comité national olympique burundais, ça serait une grande fierté pour le pays, une fois élu à la tête de l'ACNUA. On l'écoute. L'ACNUA est une association des comités national olympique africain. Nous avons eu des problèmes au niveau de cette institution, des problèmes de gouvernance. Lors de l'Assemblée générale en Algérie, en juillet 2018, il a été décidé de refaire les élections pour le poste de président. Consultation avec le comité exécutif du Comité national olympique, en consultation avec des collègues présidents du Sénat, j'ai accepté d'être la candidate au poste de présidente de l'Association des comités nationaux olympiques africains. Les élections auront lieu le 29 novembre 2018 à Tokyo. Pour le Burundi, le fait que cette organisation soit dirigée par un Burundais, c'est une grande fierté pour le Burundi. Surtout en ces moments difficile, où l'ACNUA est divisée, où il y a des problèmes de gouvernance. Il y a trois candidats jusqu'à aujourd'hui. M. Kalkaba, le président de la Confédération africaine d'athlétisme, qui est en même temps président du Comité national olympique camerounais. Il y a aussi un Algérien, Mustapha Beraf, qui est président du Comité national olympique algérien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Benoît Morichonzi pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikobananga. Bon après-midi à toutes et à tous. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Bujumbura, en mode confrontation. C'est ainsi que le journal Iwacu titre l'article décrivant l'ambiance des débats de la 39e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, où il était question d'un dialogue interactif sur le rapport de la commission Dienne. Notre confrère rapporte que l'intervention de Renova Tabu, représentant permanent du Burundi, a été très remarquée. Offensif, il s'en est pris aux membres de la commission Dienne en déclarant que le Conseil des droits de l'homme ne peut pas faire croire au monde entier qu'il est en train de remplir son rôle de promouvoir et de protéger les droits humains en recrutant des éléments qui n'ont aucun égard envers les États. Une salve a également été lancée contre l'Union européenne qui, aux yeux de Tabou Renova, tel que rapporté par Iwachu, commet la grande erreur de croire que le Burundi doit accepter et accomplir leur volonté pour être un bon élève des droits de l'homme. Et de conclure que ce n'est plus une question des droits de l'homme, mais plutôt d'une question d'appétit géopolitique. De son côté, note le journal Iwachu, l'Union européenne regrette profondément la décision du gouvernement de déclarer les membres de la commission « persona non grata » en représailles à la publication de leur rapport. Notre confrère rapporte aussi que Dodo Diène, le président de la commission d'enquête, quant à lui, voit un encouragement dans la réaction du gouvernement de les déclarer « persona non grata », estimant que c'est peut-être l'indicateur le plus pertinent sur la crédibilité et le sérieux de leur rapport. C'est ce bras de fer entre Bujumbura et la commission Diène, également représentée en caricature en une de sa apparition de ce vendredi, qui fait dire à nos confrères d'Iwachu que ça passe ou ça casse. L'école fondamentale de Kinanira se vide de ses élèves, écrit le journal La Voix de l'enseignant. Contrairement à d'autres établissements scolaires de Bujumbura qui sont pleins à craquer, l'école fondamentale de Kinanira de la direction communale d'Omuha assiste chaque jour au départ des élèves vers d'autres écoles des environs. Les parents et élèves accusent les responsables de cette école d'exiger une somme très élevée d'argent alors que l'enseignement fondamental est gratuit. Aussi, ils n'admirent pas la qualité de l'enseignement et le niveau d'encadrement disciplinaire. Pour arrêter ce départ, écrit l'hebdomadaire, la directrice de l'école s'est confiée au directeur communal. Ce dernier a intimé l'ordre au directeur des écoles de son ressort de ne pas inscrire les élèves en provenance de la dite école et d'y faire retourner ceux qui sont déjà inscrits. Ces derniers refusent de s'exécuter. C'est l'anarchie, conclut notre confrère. Revue de la presse. La commune Kabarore se classe première en province Kayanza dans la contribution aux élections de 2020, écrit l'agence burundaise de presse ABP. La contribution déjà collectée jusqu'à la fin du mois d'août est estimée à plus de 22 millions de francs burundais, alors que les prévisions étaient estimées autour de 26 millions, soit un taux de 90%. Selon Alexis Nguaniyinha, conseiller de l'administrateur communal, cette somme d'argent a été donnée par environ 1 700 ménages. Selon toujours l'ABP, l'administration provinciale fait savoir que la somme qui est attendue dans toute la province de Kayanza est évalué autour de 300 millions de francs burundais. Les habitants de la commune Gihanga, en province Bubanza, dénoncent un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Tel que rapporté par nos confrères du journal Iwachu, ces habitants accusent des Imbonerakure de les tabasser et de les racketter depuis un mois au cours de patrouilles nocturnes, sous prétexte qu'ils violent un couvre-feu. Le gouverneur de Bubanza n'en reconnaît pas l'existence, mais parle d'un redoublement de la vigilance à cause du statut spécial du village de Gihanga, proche de la réserve de la Rukoko, où pullulent toutes sortes de malfaiteurs venus de la RDC. Constructions anarchiques, pourquoi l'État intervient-il toujours à la dernière minute, s'interroge la communauté des blogueurs Yaga. Ils reviennent sur la visite à Buterere des ministres de l'agriculture, élevage et environnement, ainsi que celui de l'intérieur, où le ministre de l'environnement a déclaré que désormais, la question des constructions anarchiques autour de la station d'épuration des eaux usées de Buterere est une urgence. Pour le ministre, cette zone est invivable pour deux grandes raisons. La zone est inondable et l'air que dégage la station est nuisible pour la santé de l'homme. Il est vrai que la station d'épuration dégage une odeur pestilentielle, mais de très belles maisons d'habitation entourent le lieu, s'exclame l'auteur du billet. Ainsi se referme cette revue de presse présentée par Mireille Kanyangé et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.